Il doit arriver une nouvelle créature céleste, une nouvelle étoile. Et si nous voulons avoir une véritable influence, il nous faut bien utiliser tous les moyens qui se présentent. Il paraît que je suis né avec un ballon collé au pied. Mon père m'a toujours dit, mon petit, c'était ta destinée. Surdoué au ballon, une flèche te fait des petits bons. Individuel ou collectif au top, je suis le champion. Cramponné au pompon pour décrocher la tabane. Une place pour m'y accrocher au crampon, j'ai la fringale. Une famille modeste, je viens d'un quartier modeste. Prêt à lâcher du lest pour quitter la vie qui me molesse. Le Johnny du ballon prodige, comme lui j'enchaîne des tubes. En faisant des passes, marquant des buts, en faisant la pub. De contrat en contrat, de transfert en transfert, c'est l'ascension. Laisse faire, petit. Je pèse des millions, le fruit de mon talent se mesure en argent et j'investis. Le footballeur est chef d'entreprise travesti. Vous me direz, la morale dans tout ça quoi. J'ai trop de pognon, mais si je le prends pas, c'est les autres qui le prendront, ça fonctionne comme ça. Alors je croque dans le fruit. Et plus je fais de profit et plus on m'applaudit. Mais pour m'acquitter au droit d'entrer au club le plus fermé, je mets mon image au profit de ceux qui m'ont fait entrer. Prix à payer au service de politiques véreux. Un modèle pour éteindre de feu dans les banlieues. Et à leurs yeux, qu'est-ce que je suis? Le petit gris ou le petit black qui réussit pour éteindre le feu dans les banlieues. L'étoile du gris, jeter la poudre aux yeux et calmer le jeu. L'étoile du gris, talentueux, t'as peut-être ta place et tu retournes ta veste. Alors tu restes. Je suivrai cette étoile où qu'elle me conduise. À tous les reporters du ghetto, aiguisez vos plumes, faites place, v'là. L'étoile du ghetto. Je fais la une des journaux, on parle de moi en modèle. On cite ma réussite en mettant en avant douceur et mon salaire annuel. Je vends du style de luxe, des produits made in esprit ghetto. Un logo ghetto avec un slogan street ghetto. Retiens bien la marque, c'est du 6-9 ghetto. Tu veux être dans le coup, vas-y crache tes euros. Depuis que je suis tout petit dans ma tête, je suis en mode business. Je rêvais business, parler business, bouffer business. Mon cerveau une machine qui fait des billets sans cesse. Mes poches des tiroirs caisses qui encaissent cash et en espèces. Et j'ai les crocs en gros gros, tu veux parler avec moi KO. Seulement si ça rapporte gros, ça me fait jouir trop de voir. Tu sais ton cœur envieux devant ma Porsche, rampant à mes pieds comme des clodos. C'était moi avant, maintenant on travaille pour moi. Multiplie mon rendement, bénéf à plus de 100 compteurs quoi. Regarde bien, parti de rien, j'ai construit mon empire. Maintenant la thune tombe sans que je transpire. On m'invite, je témoigne en tant qu'exemple de nos cités. The ghetto superstar. Ici tout le monde peut s'en tirer. Tu veux connaître les clés de la réussite, ok. 1. Comme repère, parle au nom de ta communauté. 2. Opportuniste médiatique, micro ouvert. Et serre-toi sans pour faire tes affaires, mon frère. Je crois qu'il pourrait servir nos projets. Pour éteindre le feu dans les banlieues. L'étoile du ghetto. Jeter la poudre aux yeux et calmer le jeu. Talentueux, t'as peut-être ta place et tu retournes ta veste. L'étoile du ghetto. Tu te rends ton compte alors tu restes.